Je n'irai jamais renverser un empire dans un coin stellaire en hypersonique, jouer des lasers, faire semblant de mourir et puis revenir sauver l'Amérique. Je n'irai jamais sauver toutes les femmes en collant coloré marqué Superman, réconcilier le monde en chantant des gammes, faire un duo masqué dans les rues de Gotham. Non, non, non, je ne serai jamais tout ça. Mais tout ça, je l'ai été déjà. Je ne serai jamais voleur gentleman, je ne serai jamais barbare et musclé et Conan. Le monde ne me verra pas qu'à plein pide et qui plane. Je ne ferai pas se lever la fleur qui se fane. Je ne pourrai jamais vous éviter le pire, il me reste quand même le pouvoir d'un sourire. Je ne serai jamais celui qui vous relève, il me reste quand même le pouvoir de vos rêves. Non, non, non, non, je ne serai jamais tout ça. Non, non, non, mais tout ça, je l'ai été déjà. C'était en été, nos maillots mouillés, nos bras de lianes en lianes, moi Tarzan et toi Jeanne. C'était en été, nos maillots mouillés, nos bras de lianes en lianes, moi Tarzan et toi Jeanne. Je ne pourrai jamais vous éviter le pire, il me reste quand même le pouvoir d'un sourire. Je ne serai jamais celui qui vous relève, il me reste quand même le pouvoir de vos rêves.